السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكون كتير الإكسبيكاشن للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى على كتاب التوحيد. الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الدي باب من الشرك الاستعادة بغير الله، وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. دونك لوتور كي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يدي شابيتر شيرشي لا بروتيكسيون اوبخي دوتر كالله و شيرشي بروتيكسيون اوبخي دوتر كالله في بارتي دو لاسوسياسيون. اي لا بارول دالله دون لا تراديكسيون دو سونس اي: Or, il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Sourate al-Djinn, verset 6. On a l'explication du très savant Cheikh Salih ibn Fawzan, ni Abdullah al-Fawzan, qu'Allah le préserve, de cette partie-là de Kitab al-Tawhid. Akhila yusmahu bit-taswir, barakallahu fik. Are you feeling? مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن في بيان نوع من أنواع الشرك المنافي للتوحيد هو الاستعادة بغير الله ليحضر ويجتنب. Donc le premier point que rapporte Cheikh Fawzan حفظه الله تعالى, c'est le rapport entre le chapitre et le livre de l'unicité, et qu'il y a dans ce chapitre la mise en évidence d'un genre d'association qui annule l'unicité, et c'est de chercher protection auprès d'autres qu'Allah, ce qu'on appelle l'istiadatu بغير الله, et ceci afin qu'on soit sur nos gardes quant à cela et afin qu'on s'en écarte. Al-isti'adatu lughatan, donc l'isti'ada dans le sens linguistique du terme, c'est al-iltija'u wal-i'tisamu wat-taharruzu wa haqiqatuha al-harabu min shay'in takhafuhu ila man ya'simuka minha. Donc l'isti'ada, je vous demande de prendre note de ce genre de, encore une fois on revient à ce qu'on disait dans l'Ajrumia, ce genre de ta'arif, de définition, c'est important. Parce qu'une fois que vous les avez, vous les avez pour toujours, inshallah. Il faut juste les revoir de temps en temps. Quand on parle d'isti'ada, c'est quoi l'isti'ada? Quand on parle d'isti'ata, c'est quoi l'isti'ata? Quand on parle d'isti'ana, c'est quoi l'isti'ana? Par exemple, quand on parle d'isti'ana, c'est talabul aoun. Quand on parle d'isti'ata, talabul ghawth. Isti'ada, talabul aoud. C'est-à-dire que tu implores d'Allah, dans le cadre, quand tu le fais de manière légiférée, des choses, mais il y a une différence entre ces choses-là. C'est ça que j'essaie de dire. Et puis, on voit aussi le hukm de demander ces choses-là ou d'implorer ces choses-là d'autres qu'Allah. C'est ça le sujet du cours. Mais c'est important de connaître ces termes-là. L'istiratha, l'isti'ana, l'isti'ada et tous les autres termes qu'on voit dans les cours d'Aqidah et autres. Donc, l'isti'ada dans l'ura, en effet, dans le jargon linguistique, c'est l'iltija'u wal-i'tisamu wat-taharruzu, c'est-à-dire la recherche du refuge. L'iltija' du verbe iltaja'a, yaltaji'u iltija'an, et de chercher protection, l'i'tisam, et de se mettre à l'abri, at-taharruzu, taharraza yataharrazu taharruzan. Et son sens réel est de fuir une chose dont tu as peur vers celui qui t'en protège. Al-harabu min shay'in takhafuhu ila man ya'simuka minhu, ay min hadha ash-shay' alladhi takhafu minhu. Maintenant, ya'udhun, hein, d'où le mot isti'ada ou le fait de chercher l'aoud. Ya'udhun, il cherche protection. بأن يقول أحدهم إذا أمسى بواد وخاف من الجن أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. يعوذون شخص protection. Et ça, c'est par rapport au verset qui dit: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون. يعوذون, que l'un d'entre eux dise lorsqu'il arrive en soirée, إذا أمسى, dans une vallée, في واد. Une vallée, c'est un واد, c'est une vallée où si vous voulez, ou le lit d'une rivière entre deux collines, etc., etc., ou une gorge, si vous voulez, en français, hein? toutes ces choses-là, c'est vrai qu'à la base, souvent, il y a un ruisseau, etc. Mais c'est juste pour donner des différentes traductions possibles du terme al-wadi. Moi, j'ai traduit ça ici par vallée. Ça peut être une gorge, etc. Que l'un d'entre eux dise, lorsqu'il arrive en soirée dans une vallée et il a peur des djinns, qu'à ce moment-là, ils disent, je cherche a'oudou, je cherche protection auprès du maître de cette vallée contre les sceaux de son peuple. D'accord ? Rahaqa khawfan wa ifma. Maintenant, quand tu lis surat al-djinn, tu sais que rahaqa, ça veut dire khawfan wa ifma. Par peur et péché. Pardon, peur et péché. Fazaduhum rahaqa. Peur et péché. Le معنى الإجمالي للآية أي آية سورة الجن أن الله سبحانه يخبر بأن بعض الإنس يلجأون إلى بعض الجن لتأمنهم مما يخافون وأن الملتجأ بهم زاد الملتجئين خوفا بدل أن يأمنوهم وهذا معاملة لهم سنغل معاملة لهم قاعدة بنقيض قصدهم. Le sens général du verset est qu'Allah, exalté soit-il, informe que certaines gens cherchent refuge auprès de certains djinns, afin qu'ils les protègent de ce dont ils ont peur, et que ceux auprès desquels ils ont cherché refuge, al-multaja, ici vous avez, si vous voulez, al-multaji'un ou al-multaja'a bihim. Al-multaji'un, c'est ceux qui cherchent refuge. Al-multaja'a bihim, c'est ceux auprès de qui ils cherchent refuge. Auprès de certains djinns, afin qu'ils les protègent de ceux dont ils ont peur, et que ceux auprès desquels ils ont cherché refuge, al-multaja bihim, ont rajouté de la peur. Fazadahum rahaqa, ay khawfan wa ithma. Ils ont rajouté de la peur à ceux qui ont cherché refuge, al-multaji'un, auprès d'eux, au lieu de les protéger. Si vous voulez, qu'est-ce qu'ils cherchent ces gens-là? Ils cherchent à se protéger. Auprès de qui ils cherchent la protection? De ces djinns. D'accord? Quel est le résultat de ça? Ben c'est le contraire de leur intention. Et donc il dit, et ceci est une action qui est contraire à ce qu'ils avaient comme intention et un châtiment d'Allah pour eux. Munasabatul ayati lilbab. Donc, comme on a dit, Munasabatul Bab il kitab al-Tawhid, qui est le caractère opportun de ce chapitre dans le livre de l'unicité. Kadalika, Munasabatul Ayati lil-Bab, qui est le caractère opportun ou le rapport entre ce verset et le chapitre qui est un des chapitres du livre de l'unicité. Vous comprenez ça, hein? Toujours on souligne ça parce que c'est important toujours. Et on revient tout à l'heure à la Jalomiyya, vous vous souvenez, hein? Quand on parlait de toujours situé de tout mesela que tu dis, où est-ce qu'elle est par rapport au livre complet de l'Ajrumiyya, et donc sous quoi elle rentre, et que tu as un tertib dans ta tête, et que tu as une vision générale du livre. On a dit munasabatul ayati lil bab an Allah haka an mu'minil jin, c'est une idafa, c'est pour ça que hudifat nun, hein, mu'minil jin. أنهم لما تبين لهم دين الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ذكروا أشياء أشياء من الشرك كانت تجري من الإنس في الجاهلية من جملتها الاستعادة بغير الله وذلك من باب الاستنكار لها. Le rapport entre le verset de quelle sourate, sourate Al-Jin, et le chapitre, quel chapitre? Naam, mais la shirk l'isti'adatu bighayrillah, que fait partie de l'association le fait de chercher refuge auprès d'autres qu'Allah, eh bien, c'est que Allah informe que les croyants parmi les djinns, lorsque la religion du messager leur a été clarifiée, alayhi salatu wassalam, lorsqu'ils ont cru, eh bien, ils ont raconté des choses qui sont de l'ordre de l'association qui émanait de la part des humains au temps de la période pré-islamique. D'accord? Et il dit pourquoi? Il dit, et parmi ces choses, il y a le fait de chercher refuge auprès d'Allah, auprès d'autres qu'Allah, pardon. Et cela en termes de reproches et de blâme envers eux. C'est-à-dire que les djinns qui sont devenus mu'minoun, qui sont convertis, ils ont raconté ce qui se passait avant, parmi ces actes d'association. Et parmi ceux-là, cette recherche de refuge auprès d'autres qu'Allah, qui est une isti'ada shirkiya. الاستعادة الشرعية الاستعادة الشركية. Ce que l'on tire comme bénéfice du verset, ما يستفاد من الآية. أولا الفائدة الأولى أن الاستعادة بغير الله. Vous pouvez terminer la phrase, maintenant vous savez. شرك. شرك أكبر أو أصغر. أكبر. Pourquoi? لأن صرف عبادة لغير الله. أن الاستعادة بغير الله شرك لأن مؤمن الجن قالوا ولم نشرك بربنا أحدا. ثم ذكروا بعد ذلك على وجه الاستنكار وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. Premier bénéfice qu'on tire de ce chapitre, cette partie de chapitre, la recherche de refuge auprès d'autres qu'Allah est une association, c'est-à-dire que c'est un acte d'association, un acte shirki. Car les croyants parmi les djinns ont dit, ce dont la traduction du sens est, et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. Surat al-Djinn, verset 2. C'est un autre verset de Surat al-Djinn qui est avant celui qu'on a cité précédemment. Puis ils ont dit après cela, et ce en termes de blâme et de reproche, c'est pour ça qu'ils l'ont dit, ce dont la traduction du sens est, or, il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns. Surat al-Djinn, verset 6. Donc maintenant, quand vous allez lire Surat al-Djinn, inshallah, vous allez avoir le rapport entre ces versets. D'accord? Vous allez comprendre. Deuxième bénéfice. الفائدة الثانية عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم للثقلين. L'universalité du message de Muhammad صلى الله عليه وسلم aux ثقلين. Ce qu'on appelle الثقلان. Ici ثقلين parce qu'il est quoi? Il est مخفوض باللام. D'accord? Mais sinon c'est الثقلان. C'est un مثنى. Et c'est الجن والإنس. C'est les hommes. Les hommes avec un grand H. Hein? Les êtres humains si vous voulez. Et les djinns. ثالثا الفائدة الثالثة أن الاستعادة بغير الله تورث الخوف والضعف. Contrairement à ce qu'ils cherchent. La recherche de refuge auprès d'autres qu'Allah engendre la peur et la faiblesse. Quatrièmement, رابعا أو الفائدة الرابعة يفهم من الآية أن الاستعادة بالله تورث قوة وأمنا. On comprend du verset que la recherche de refuge auprès d'Allah engendre la force et la sécurité. Deuxième partie de ce chapitre. وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. الحديث رواه مسلم. L'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, et d'après Khawlah bint Hakim qui a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, quiconque fait une halte à un endroit et dit, je recherche refuge auprès des paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé, eh bien rien ne lui fera du mal jusqu'à ce qu'il quitte cet endroit. Et c'est un hadith rapporté par Muslim, il est rapporté aussi par At-Tirmidhi, Ibn Majah et Ahmed dans le Musnad. On a l'explication de Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, il dit Khawlatu bintu Hakim, hiya bintu Hakim ibn Umayya al-Sulamiyya kanat zawjatan li Uthman ibn Mad'un radiyallahu anhu wa kanat salihatan fadilah. Khawlah, un magnifique nom arabe d'ailleurs, hein? Je disais à ma mère tout à l'heure, je disais que inshallah la prochaine fille je l'appellerai Khawlah, inshallah. C'est un nom que j'ai toujours eu en tête, hein, parmi les noms arabes. Khawlah bint Hakim, c'est la fille de Hakim bin Umayya al-Sulamiyya qui fut l'épouse de Uthman ibn Mad'un. Qu'Allah l'agré, et elle était pieuse et vertueuse. Bi kalimatillah, al-muradu biha hauhuna al-Qur'an. Bi kalimatillah, auprès des paroles d'Allah, ce qui est entendu ici, c'est-à-dire le Qur'an, le Coran. Al-tammat, ay al-kamilatu allati la yalhaquha naqsun wa la aib. Tammat, parfaite, c'est-à-dire les paroles qui ne sont touchées par aucune diminution ni défaut. Min sharri ma khalaq, ay min kulli sharrin fi ayi makhluqin qama bihi sharru min hayawanin aw ghayrih. À l'occasion, inshallah, peut-être si on s'assied une fois avec des frères, je vous raconterai une histoire. Quand je suis rentré dans une maison, il y avait des gens qui étaient Moussa bin Biljin. Hein? الدعاء اللي تيتين الحمد لله. من شر ما خلق contre le mal de ce qu'il a créé, c'est-à-dire contre tout mal dans quelque créature que ce soit, qui est du mal, que ce soit un animal ou autre. Le معنى الإجمالي للحديث يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى الاستعادة النافعة التي يندفع بها كل محذور يخافه الإنسان عندما ينزل بقعة من الأرض بأن يستعيد بكلام الله الشافي الكافي الكامل من كل عيب ونقص ليأمنا في منزله ذلك ما دام مقيما فيه من كل غائلة سوء. Le sens général du hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam oriente sa communauté vers la recherche de refuge qui est bénéfique et par laquelle tout ce qui est craint par l'être humain est repoussé lorsqu'il fait halte à un endroit. Et c'est en cherchant refuge auprès de la parole d'Allah qui guérit et est suffisante et parfaite de tout défaut et de toute diminution, et ce afin qu'il soit en sécurité et rassuré à cet endroit où il fait halte. Et ce tant qu'il y réside contre toute mauvaise chose qui peut l'attaquer et contre tout péril. Munasabatul hadith lilbab. Le caractère opportun, le rapport entre ce hadith de Sahih Muslim et le chapitre de Kitab al-Tawhid. Le rapport entre le hadith et le chapitre, Munasabatul hadith lilbab, ana fi irshadan ila al-isti'adat an-nafi'ah المشروعة بدلا من الاستعادة الشركية التي كان يستعملها المشركون. Le rapport entre le hadith et le chapitre est qu'il y a. Je peux t'emprunter ton stylo. Le rapport entre le hadith et le chapitre est qu'il y a dans ce hadith une orientation vers la recherche de refuge bénéfique légiféré à la place de la recherche de refuge qui est de l'ordre de l'association Allah, à laquelle s'adonnaient les polythéistes. Ma yustafadu min al-aya, min al-hadith, pardon. Ce que l'on tire comme bénéfice du hadith. Awalan bayanu anna l'isti'ada ibadah. La mise en évidence du fait que la recherche de refuge est une adoration. Donc ici, un point important, c'est que l'isti'ada, c'est une ibadah. Et donc vous comprenez que sarfouha li ghayrillah shirkun. Thaniyan anna al-isti'adata al-mashru'ata hiya ma kanat billahi aw bi asma'illahi wa sifatihi. La recherche de refuge légiféré est celle qui est auprès d'Allah ou auprès de ses noms et de ses attributs subhanahu. Le troisième point ici, regardez le fahm. Fahm al-ulama li nusus al-shar'iyyah. Regardez comment les ulama ils comprennent les textes de la révélation. Cheikh il dit, Al-Fawzan hafidahu Allah ta'ala, il dit Anna kalam Allahi ghayru makhluq. Comment est-ce qu'il prend ça de ce verset? Vous allez voir. Li'anna Allah shara'a al-isti'adata bih. Wa al-isti'adatu bil makhluq shirkun kama sabaq. Fa dalla 'ala annahu ghayru makhluq. Tu refutes un Jahmi? Refute avec cette aya là. Avec ce hadith là, pardon. Cheikh il dit, la parole d'Allah n'est pas créée. Le Coran, kalamullahi ghayru makhluq. Ça c'est l'aqidat al-sunnah wal-jama'a. La parole d'Allah, il est incréé, c'est-à-dire qu'il n'est pas créé. La recherche de refuge légiféré est celle qui est auprès d'Allah. La parole d'Allah n'est pas créée, car Allah a légiféré de rechercher refuge auprès de sa parole. Comment on le sait? Le hadith. On est d'accord? Alors que rechercher au refuge auprès d'une créature, c'est un acte d'association, c'est une association. Comme souligné précédemment. Et donc cela indique que la parole d'Allah n'est pas créée. Quatrième point. Fadilatu hadha ad-du'a ma' ikhtisarihi. Quatrième bénéfice, la préséance de cette invocation alors que sa formulation est courte. Cinquième point. Anna nawasi. Le pluriel de Nasiyah. Anna nawasil makhlouqati biyadillah. Les toupets des créatures sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre chapitre qui est Bab, min ash-shirki an yastaghitha بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. L'auteur Canal du Fas Miséricorde, il dit, chapitre, implorer le secours. Ici, regardez comment je vais traduire. Implorer le secours en situation de difficulté. D'autre qu'Allah ou invoquer autre que lui fait partie de l'association Allah. Et vous allez voir l'importance de connaître les définitions pour les traductions aussi. Al-Isti'an, on a dit c'est quoi ? Talabul Aoun. On peut traduire ça en français comment ? Par dire implorer l'aide. On est d'accord ? Comment tu vas traduire istirafa, implorer de l'aide? Comment t'as fait? T'as pas fait de différence entre l'isti'ana et l'istirafa alors? La protection. Protection c'est isti'ada, c'est autre chose. C'est ce qu'on a vu avant. C'est ça, c'est en cas de détresse, en situation de difficulté. C'est spécifique. Et ça, le cheikh, il va le dire dans un moment. D'accord? Donc, l'isti'ana, c'est talabul l'aoun, demander l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala, l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu lui demandes l'aide à lui subhanahu. Et l'isti'ana, c'est talabul ghawth, wa huwa izalatu shidda. C'est-à-dire que tu demandes qu'Allah te retire de cette situation de difficulté de détresse. D'accord? Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, il explique bien dans l'explication de Kitab al-Tawhid aussi. Mais Cheikh Al-Fawzan, il va l'expliquer dans un instant, inshallah. Donc, ici, on a dit, c'est juste pour que vous compreniez pourquoi j'ai traduit ça comme ça. Et la parole d'Allah, dans la traduction du sens est, et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut te profiter ni te nuire. Et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes. Surat Yunus, verset 106. Mais dans l'explication de Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, munasabatu hadal bab li Kitab al-Tawhid. أنه ذكر فيه نوعا من أنواع الشرك المنافي للتوحيد وهو أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. Le rapport entre ce chapitre et le livre de l'unicité est qu'il, c'est-à-dire l'auteur, a cité dans ce chapitre un genre d'association à Allah parmi les autres genres d'associations qui annulent l'unicité. Et c'est d'implorer le secours d'autre qu'Allah en situation de difficulté ou en situation de détresse, comme l'a dit le frère. Ou d'invoquer autre que lui. Parce que le dua, le fait de vouer ou de faire une dua, une invocation à autre qu'Allah. An yastaghitha, al-istighathatu talabul ghawth wa huwa izalatu shiddah. Et al-istighatha qu'il implore le secours en situation de difficulté de détresse, et c'est talabul ghawth comme on a dit, et c'est de demander la levée de difficulté ou la levée de cette détresse. Ou yad'ou al-farq bayna al-istighathati wa ad-du'a. Vous voyez l'important de connaître les définitions aussi, c'est aussi de connaître les fawariq. C'est-à-dire ce qu'on appelle en français les différences entre les termes. De connaître la définition d'un terme, c'est une chose. Un ta'rif hadhihi al-kalima, ou kadhalika un ta'rif al-fawariq bayna al-ta'arif ou bayna al-kalimat, c'est-à-dire que ou bayna hadhihi al-istilahat plutôt ici. Dans le jargon des ulama. C'est-à-dire qu'il y a des istilahat qui sont là, des mots de vocabulaire dans le jargon spécifique des ulama qui sont utilisés. Maintenant, quelle est la différence entre ces différents termes? Et Cheikh te dit, le farq bayna al-istighathati wa ad-du'a, anna al-istighathata la takunu inna min al-makroub. Wa amma ad-du'a fa yakunu min al-makroub wa ghayrih. Donc il dit, ou yad'u, qu'il invoque ou qu'il invoque. Et la différence entre l'istighatha et ad-du'a, c'est que l'istighatha n'émane que de la part de l'angoissé, le makroub, le karb. Et c'est l'angoisse. Le makroub, c'est celui qui est angoissé, de celui qui subit une affliction. Tandis qu'ad-du'a émane de la part de ce dernier et d'autres aussi. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est plus général que l'autre. Et donc un qui est plus spécifique que l'autre. Ou si vous voulez que l'istighatha, c'est un genre de dua. Ma la yanfa'uk in abadta. Ma la yanfa'uk, ce qui ne peut te profiter si tu l'adores. C'est ça qu'il faut comprendre. Wa la yadurruk in lam ta'budhu. Ni te nuire si tu ne l'adores pas. C'est-à-dire que, revenez au verset. Qu'est-ce qu'on a dit en français par rapport au verset? On l'a traduit, on a dit, et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut te profiter ni te nuire. Il a dit ce qui ne peut te profiter, cher, il a dit, si tu l'adores, ni peut te nuire si tu ne l'adores pas. فَإِنْ فَعَلْتَ أي دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت, et si tu le fais, c'est-à-dire si tu invoques autre qu'Allah qui ne peut ni te profiter ni te nuire. Et pour les frères peut-être qui veulent partir un peu plus tôt, je vous demande de rester parce que peut-être qu'on va lire des questions-réponses de Cheikh Louhaïdan dans le Siyam après, Inch'Allah, si on a le temps. Ça va ? من الظالمين من المشركين فإن الشرك أعظم الظلم. Au nombre des injustes, au nombre des polythéistes, associateurs, car l'association à Allah est la pire des injustices. Vous connaissez la parole de Luqman à son fils, « In yabunayya la tushrik billah, in shirka la zulmun azim ». من المعنى الإجمالي الآية ينهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو أحدا من سائر المخلوقين العاجزين عن إيصال النفع ودفع الضر ثم يبين له حكمه لو فرض أن دعا غير الله بأن يكون حينئذ بأنه يكون حينئذ من المشركين وهذا النهي عام لجميع الأمة. Le sens général du verset est qu'Allah interdit à son prophète صلى الله عليه وسلم d'invoquer qui que ce soit parmi les créatures, toutes incapables d'amener le bénéfice, le profit et de repousser la nuisance. Puis il lui en a clarifié le jugement. Que dans l'hypothèse où il invoquerait autre qu'Allah, qu'il serait alors au nombre des associateurs. Et ceci est une interdiction générale pour toute la communauté. Munasabatu al-ayati lil-bab, anna fiha an-nahya 'an du'a'i ghayrillah, wa annahu shirkun yunafi at-tawhid. Le rapport entre le verset de Surat Yunus 106 et le chapitre qui est bab min ash-shirk an yastaghitha bi ghayrillah aw yad'a ghayrah, eh bien c'est que il y a dans ce verset l'interdiction d'invoquer autre qu'Allah et que c'est une association à Allah qui annule l'unicité. Ma yustafadu min al-aya, ce que l'on tire comme bénéfice du verset, awalan anna du'a'a ghayrillah shirk akbar. Invoquer autre qu'Allah est une association à Allah qui est majeure, c'est-à-dire qui fait sortir de l'islam, c'est quelque chose qui yukhrij sahibahu min al-islam iyadan billah min dalik. Thaniyan anna aslah an-nas law da'a ghayra Allah sara min adh-dhalimin al-mushrikin fa kayfa bighayrihi. La personne la plus pieuse, si elle venait à invoquer autre qu'Allah, serait alors au nombre des injustes, c'est-à-dire des polythéistes. Qu'en est-il alors d'autre que lui? ثالثا بيان عجز آلهة المشركين وبطلان عبادتها. La mise en évidence de l'incapacité des divinités des polythéistes et de la fausseté de leur adoration. Continuons dans ce chapitre. وقوله أي قول الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Alors, si vous faites attention, c'est le verset suivant de Surat Yunus. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit: et si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. Et si tu veux un bien, nul ne peut repousser sa grâce. Il en gratifie qui il veut parmi ses serviteurs, et c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Surat Yunus, verset 107. On a l'explication de Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, il dit: wa in yamsaska, ay in yusibka. C'est-à-dire, et s'il fait que te touche, bidurrin, bifakrin, ou maradin, ou ghayri dhalika min anwa'i d-dur. Bidurrin, un mal, une pauvreté, ou une maladie, ou autre que cela parmi les types de mots. Falakashifa, la rafi'a. C'est-à-dire, nul ne peut l'écarter, nul ne peut le lever. Falaradda, la dafi'a. Nul ne peut le repousser. المعنى الإجمالي للآية يخبر تعالى أن المتفرد أنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون ما سواه فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده دون غيره ممن لم يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن أن يملكهما لغيره. Le sens général du verset est qu'Allah le Très-Haut informe qu'il est le seul possédant la royauté, et la domination absolue, et le don, et l'empêchement, et la nuisance, et le profit. Personne en dehors de lui ne les détient parmi tous ceux qui possèdent pour eux-mêmes ni nuisance, ni profit, et les possèdent alors encore moins pour autrui. Je me suis trompé ou pas? J'oublie une partie. Hein? La partie c'est فَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمَدْعُ وَحْدَهُ الْمَعْبُودَ وَحْدَهُ دُونَ غَيْرِهِ. Donc on va traduire ça par dire que, et donc il est obligatoire, comme, je répète la phrase comme ça elle est claire dans votre tête, Allah le trouve informe qu'il est le seul possédant de la royauté. Et vous connaissez c'est un ilzam que tu peux faire avec n'importe quel mushrik. N'importe quel mushrik tu peux l'ilzam. Pourquoi tu vas l'ilzam ici? Qui c'est? Hein? C'est juste ce que tu dis, sois plus général. Sois plus général. Ça s'appelle comment ça? Al-Rububiyya. Donc ici, on a dit, Allah le Très-Haut informe qu'il est le seul possédant la royauté. Et Cheikh Al-Fadhil va le dire après, Inch'Allah. Allah le Très-Haut informe qu'il est le seul possédant la royauté, et la domination absolue, et le don, et l'empêchement, et la nuisance, et le profit. Et donc, cela implique, cela rend obligatoire qu'il soit le seul à être invoqué. Wahdahu. Et le seul à être adoré. Sans que. Hein? Alhamdulillah. Sans que soit adoré quiconque en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. C'est clair ce point-là? Et on termine cette phrase donc. Personne en dehors de lui ne les détient parmi tous ceux qui ne possèdent pour eux-mêmes ni nuisance ni profit et les possèdent encore moins pour autrui. Vous avez vu, dans certains tremblements de terre, par exemple au Népal, etc., ces immenses statues de Bouddha, etc., est-ce qu'elles ont pu se protéger elles-mêmes? Ils ont pu juste les ramasser au bulldozer après et les nettoyer au balai, c'est tout ce qu'ils ont pu faire. Hein? Donc s'ils ne peuvent pas se profiter eux-mêmes et se repousser le mal, comment est-ce qu'ils peuvent aider autrui? Donc, on revient ici au rapport entre le verset et le chapitre. On a l'ayat lil bab, anna fiha bayana istihqaq Allah lil ibadah bid du'a wa nahwihi. Wa anna du'a ghayrihi shirk lahu la yanfa'u wa la yadur. Le rapport entre le verset et le chapitre est qu'il y a dans ce verset la mise en évidence du fait que seul Allah est en droit d'être adoré au moyen des invocations. Vous voyez, ce mot est très important. On appelle ça l'istihqaq. Allah, il est en droit. C'est lui seul qui est en droit. Pourquoi il est en droit? On en a dit déjà pourquoi. Hein, on va le redire, Inch'Allah. Le rapport entre le verset et le chapitre est qu'il a dans ce verset la mise en évidence du fait que seul Allah est en droit d'être adoré au moyen des invocations et autres. Et du fait qu'invoquer autre que lui est une association, car il ne nuise en rien, il ne bénéficie en rien. Ma yustafadu min al-aya, ce que l'on tire comme bénéfice du verset. Wujub ifradillahi ta'ala bitouhid al-uluhiyya, yatafarrudihi bitouhid al-rububiyya. Voilà, c'est ça. C'est l'obligation de singulariser Allah dans l'unicité de divinité, comme il est singularisé dans l'unicité de seigneurie. Deuxième point, le faïda tout thaniya. Boutlan ou du'a irilah, il y a azzi an nef'i manda'ahu wa def'i durri anhu. C'est la fausse d'invoquer autre qu'Allah en raison de leur incapacité à profiter à ceux qui les ont invoqués et à repousser le mal loin de ceux qui les ont invoqués. Troisième point, le faïda tout thalitha. Ithbatul mashi'ati lillahi subhanah. L'affirmation de la volonté d'Allah le Très-Haut. Rabi'an, quatrièmement, ithbatu sifati al-maghfira wal-rahma lillahi subhanahu ala ma yaliqu bi jalalihi subhanahu. L'affirmation à Allah des deux attributs de pardon et de miséricorde, et c'est de la manière qui sied à sa majesté subhanahu wa ta'ala. On continue un peu? وقوله سبحانه فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. Surat Al-Ankabut, verset 17. D'ailleurs, Surat Tarawih ici, il y a quelques jours, on était dans Surat Al-Ankabut. Donc l'auteur Kalalifaz Miséricorde, il dit, et sa parole, vous connaissez l'autre nom de Surat Al-Ankabut, je cite souvent dans les cours. Hein, Surat Al-Fitan. D'ailleurs, ça commence comme ça. Hein. Allah, parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans Surat Al-Ankabut, il parle beaucoup des fitan. Comme Surat Nahl est appelé, Surat Ni'am. Le verset des bienfaits, la sourate des bienfaits, etc. Donc l'auteur quand il fait ce miséricorde, il dit, et sa parole dont la traduction du sens est, recherchez votre subsistance auprès d'Allah, adorez-le et soyez-le reconnaissant. C'est à lui que vous serez ramenés. Surat Al-Ankabut, verset 17. L'explication de Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, ibtaru utlubu. Ibtaru, c'est rechercher, demander. Wa'abuduhu akhlisu lahu l'ibadah. Adorez-le, vouez-lui pardon, une adoration sincère, c'est une coordination du général au spécifique. Car rechercher la subsistance auprès d'Allah fait partie de l'adoration. Qui me cite un autre verset du Coran où il y a une coordination entre le général et le spécifique, entre l'adoration et un type d'adoration? Tout le monde ici connaît cette sourate. Naam, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Toi seul nous adorons et de toi seul nous implorons l'aide. Or, l'aide, la demande d'aide, est un acte d'adoration. Lisez, retournez au livre de Tafsir pour savoir quel est le sir derrière ça. Je pourrais vous le dire, mais c'est pour vous motiver à aller voir dans le livre de Tafsir. D'accord ? Et on est dans le monde du Coran. Il y a un baril que les frères et nos frères et nos sœurs et nous tous, on passe du temps avec le Coran. Mais pas que pour le terminer. Cheikh Fouad Al-Amri sur Twitter, il a rapporté une belle faïda de certains anciens. Que le fait, c'est pas que ton ham, ce soit pas la fin de la sourate. Que ton but, ce soit pas que tu finisses la sourate. Mais que tu sortes avec un bénéfice du Coran. Que tu le lises, que tu t'y arrêtes. Tu réfléchisses à ses sens, etc. Et Cheikh Mohamed Ben Hadi Al-Madkhali, il avait dit, j'avais traduit ça l'année passée, je pense, il avait dit qu'il convient que quelqu'un, par exemple, parce qu'ils lui ont demandé, est-ce qu'on arrête talab al-ilm, est-ce qu'on fait que le Coran, etc., est-ce qu'on continue, il a répondu, il a dit que l'insan, il fasse le Coran, il lise le Coran, et qu'aussi, il s'attache au tafsir du Coran. Il a dit, par exemple, au moins que tu finisses un tafsir mukhtasar, par exemple. Hein? Vous savez lequel il a cité? Vous vous rappelez de quel il a cité? Hein? Vous êtes sûr qu'il avait cité Saadi? Bah oui. Tu vas tous les citer. Hein? Ibn Kathir. Eh oui, les frères qui étaient là. Mukhtasar, c'est Bahraoui ou le Saadi? Bah c'est Mukhtasar pour toi, c'est pas pour le Cheikh. Hein? À la Kouli Hal, Insan, par exemple, maintenant, il prend. Un tafsir Saadi, c'est celui que le Mashiach récite souvent parce qu'il est facile, c'est un tafsir Bilma'na. Et il est assez résumé, il n'est pas très grand. Hein? Donc il dit qu'au moins dans le mois, tu le finisses, tafsir. C'est-à-dire que l'insan, il lit le Coran et il finisse au moins une lecture d'un tafsir du Coran. Et imagine-toi quel mois, qu'Allah nous facilite à tous. Imagine-toi que tu passes le Ramadan et que tu ne l'as pas fini, et que tu l'as fini sans que tu, par exemple, que tu aies fini le Coran en lecture, en récitation. Et en lecture de sa compréhension, de son sens, en tafsir, etc. Combien de fa'ida tu vas sortir? Avec combien de fa'wa'id tu vas sortir? Bidnillahi ta'ala. Et ça peut se faire entre frères, entre sœurs aussi. Ça, c'est possible aussi. Mais si tu ne trouves pas des frères ou des sœurs qui peuvent le faire avec toi, fais-le tout seul. Et comme l'a conseillé notre frère Abou Khadir le jour, si j'ai bien compris, il a dit que il suffit qu'il n'y ait pas l'arabe, etc. Au moins qu'il prenne la traduction de. Du Coran en anglais qui lise à côté. D'accord ? Pour ceux qui ont l'anglais, il avait cité le cas l'anglais, ça peut être la même chose pour le français. Sauf que l'anglais, c'était été traduit par des savants. C'était traduit par Cheikh Taqiyuddin Hilali, rahimahullah le marocain, et Dr Mohsin Khan. Et on le sent directement dans la traduction du Coran. Si je me souviens bien, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, qui avait demandé à ces deux chouchs-là, parce qu'ils étaient très très versés dans les langues, surtout dans la langue anglaise. Cheikh Mohamed Daqidin Halili, rahimahullah, il parlait plusieurs langues. D'ailleurs, il avait réfuté des erreurs dans le dictionnaire allemand. rahmatullah alayhi. Pendant la deuxième, vous savez ce qu'il faisait pendant la Seconde Guerre mondiale? Il avait des émissions à la radio allemande et il envoyait des réfutations aux Britanniques et aux Occidentaux, etc. Et il a dit, mais pour moi, c'était tous des koufars. J'ai juste profité que j'étais en Allemagne pour pouvoir critiquer Hadouk. Hein? Et donc, et d'ailleurs, il leur donnait à ces réfutations les noms des missiles allemands. Il était enseignant dans une université en Allemagne. Cheikh Taqi Hilali, rahmatullah. Il y a un livre complet qui a été écrit sur sa vie. Ad-da'wa ila Allah fi aqtar mukhtalifa. C'est qui l'a écrit? C'est lui ou c'est pas lui? C'est une autobiographie ou pas? J'en ai parlé de ce livre-là. Je vous teste souvent pour voir si vous m'écoutez, si vous vous rappelez. Hein? Son élève. Tu crois? Retrouvez le livre et lisez-le. C'est le genre de livre, tu l'arrêtes pas tant que t'as pas terminé. Hein? On a passé de bons moments avec ce livre. Allez, vraiment, il y a beaucoup de fawaïd dans ce livre. Il raconte sa vie, en fait. C'est vraiment ça. Da'wa ila Allah fi aqtar mukhtalifa. L'appel à Allah dans différentes contrées, régions, etc. Il raconte comment il a passé certaines frontières, comment il est passé en Inde en éléphant, comment il avait un passeport, il a vite changé quelque chose dans son passeport pour passer dans... Hein, etc. etc. Des histoires et des histoires. Et comment les gens lui ont causé du tort dans la da'wa et comment... Il a réagi par rapport à ça, alors qu'à la base, il n'était pas sorti pour Talab al-Ilm. Et quand il était en Égypte, qu'il s'est retrouvé dans un endroit où il y avait des shirkiyat, et donc il s'est retrouvé obligé d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala, et rectifier le tawhid des gens, etc. etc. Et moi, j'allais minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Bi sabri wal yaqin, tunalu l'imamatu fi d-din. Et d'ailleurs, Cheikh, il était un spécialiste, parmi ses spécialités, c'était un spécialiste dans la généalogie. C'est un ilm al-nasab. Il est dit que c'est lui qui a attribué, affirmé que la famille royale marocaine, elle est vraiment de la famille du prophète, alayhi salam. Et aussi, parmi ses spécialités, c'était la langue arabe. D'ailleurs, les ulama qui divergeaient dans la langue arabe, ils revenaient à lui. À la Koulihal, on revient à Kitab Touhid. On était où? On était... Pourquoi j'ai dit tout ça? Parce qu'on a parlé de la coordination du général au spécifique. On a parlé de Tefsir et puis de là on est parti, etc. Washkuru lah. I'tarifu bi ni'matih. Waf'alu ma yajibu min ta'atihi. Watruku ma'asiyatah. Et soyez-lui reconnaissant, reconnaissez ses bienfaits et acquittez-vous de ce qui vous est obligatoire en termes d'obéissance et ne les désobéissez pas. C'est important, c'est une différence entre le hamd ou le shukr, le fait de faire la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala et le shukr qu'on peut traduire par remerciement, gratitude, etc. C'est que le shukr, yatadammanu al-a'mal. Que le shukr, il implique les actions aussi. Et c'est important de comprendre ça et aussi que le mashaykh dit une règle qu'on avait cité, qu'on avait fait les bénéfices de Surat Luqman, des recommandations de Luqman, qui arrivent d'ailleurs en quelques jours en livre, Inch'Allah. On avait dit que Al-ni'matu ida shukirat, qarrat, wa ida kufirat, farrat. Le bienfait, lorsqu'il est remercié, il reste, et lorsqu'il est dénié, il part. Et non seulement il reste ton bienfait, mais qu'est-ce qu'Allah te fait? Naam. Il rajoute, subhanah. Allah te donne, tu le remercies, il te le préserve et il te rajoute, subhanah. Le sens général du... on est arrivé non à ilayhi, à lui, c'est-à-dire, la ila ghayri, pas autre que lui. ترجعون يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله. Vous serez ramené, ترجعون, le jour de la résurrection, et tout un il rétribuera tout un chacun en fonction de ses actions. والله المستعان. المعنى الإجمالي للآية. يأمر الله سبحانه بطلب الرزق منه وحده لا من الأصنام والأوثان وإفراده بالعبادة والاعتراف بنعمه التي أسداها على عباده وصرفها في طاعته والابتعاد عن معصيته ثم يخبر أن المصير إليه فيجازي كل عامل بعمله فيجب على العبد أن يحسب لذلك حسابه. Le sens général du verset. Allah le Très-Haut ordonne de demander la subsistance à lui seul et pas aux statues et aux idoles et de lui vouer une adoration exclusive et de reconnaître ses bienfaits par lesquels il a comblé ses serviteurs et de les dépenser dans son obéissance et de s'éloigner de sa désobéissance. Puis il informe que le retour est vers lui et que tout un chacun sera rétribué selon ses actions et que donc il est obligatoire aux serviteurs de préparer ses propres comptes pour cela. Et ça c'est un uslub al-hasanun fi tarbiyat al-awlad comme on a vu dans Wasaya Luqman à son fils quand lui a dit إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Toujours, c'est-à-dire que à la fin du verset, إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ, vers moi est votre retour. Car c'est ça qui va te pousser à faire les actes d'obéissance et qui va t'éloigner des actes de désobéissance. Si tu te rappelles ce retour. مناسبة الآية للباب أن فيها وجوب إفراد الله بالدعاء والعبادة والرد على المشركين الذين يعبدون غيرها. Le rapport entre le verset et le chapitre est qu'il y a dans ce verset l'obligation d'invoquer Allah seul et de lui vouer une adoration exclusive et une réfutation aussi à l'encontre des polythéistes qui adorent autre que lui. Subhana. ما يستفاد من الآية أولا وجوب دعاء الله وحده وطلب الرزق منه. L'obligation d'invoquer Allah seul et de lui demander la subsistance à lui seul. سبحانه. ثانيا وجوب إفراد الله بجميع أنواع العبادة. L'obligation de singulariser Allah dans tous les types d'adoration. ثالثا وجوب شكر الله على نعمه. L'obligation d'être reconnaissant, de remercier, d'être reconnaissant vers Allah, de le remercier pour tous ses bienfaits. رابعا إثبات البعث والجزاء. L'affirmation de la résurrection et de la rétribution. خامسا il n'y a pas de contradiction. أنه لا تنافي بين طلب الرزق والاكتساب وعبادة الله وأن الإسلام فيه خير الدين والدنيا. Il n'y a pas de contradiction entre la demande de subsistance et l'acquisition des biens et l'adoration d'Allah. Il y a dans l'islam le bien de la religion et le bien de ce bas monde. Avec cela, on a fini pour Kitab Tawhid en tout cas. Wallahu a'lam, subhanak wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.